Comment ne pas définir la politique par la guerre? Dans un texte décisif qui a fait époque au cœur du XXe siècle, à une date qu'il faut retenir, en 1932, le juriste et philosophe allemand Carl Schmitt définit la politique d'une manière qu'il faut en effet méditer et peut-être aussi critiquer. Dans ce texte, la notion du politique ou le concept du politique, voici ce qu'il écrit. La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes, les mobiles politiques tout entiers, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Pour Carl Schmitt, en 1932, dans le cœur guerrier et bientôt totalitaire du XXe siècle en Europe, la caractéristique du politique, qu'il faut assumer douloureusement, ne disons pas trop vite qu'il s'en réjouit, c'est non pas l'organisation d'une société pour régir des intérêts, pour aménager la concurrence, sur le mode du libéralisme ou pour procurer le bien et la justice, sur le mode constitutionnel, c'est d'abord d'assumer la distinction de l'ami et de l'ennemi, qui donc met la guerre au cœur du politique. La force de cette définition, c'est de ne pas minimiser la dimension de la guerre, de l'amitié et de l'inimitié entre les hommes, et même de la porter au niveau du collectif. Il n'y a pas de société humaine qui ne doive se définir, pour le meilleur ou pour le pire, contre d'autres qui doivent se définir au fond d'abord dans le risque de la guerre, ce risque peut-être pire encore que celui de la catastrophe naturelle ou de la misère économique. Affronter la guerre, tel serait le cœur du politique. Mais quel est le risque profond de cette définition? Ce risque qui, en effet, a conduit à associer d'abord lui-même dans sa vie et peut-être intellectuellement sa théorie de Carl Schmitt au risque du nazisme qui prend le pouvoir en Allemagne un an plus tard, en 1933. Le risque profond de cette définition de Carl Schmitt, c'est la définition, au fond, de l'ennemi. Qui est l'ennemi? On pourrait très bien concevoir que nous appelions ennemi celui qui se révèle à nous par des actes d'hostilité et contre lesquels il faut se défendre. Mais on comprend bien que chez Carl Schmitt, et d'ailleurs dans la même page d'où j'ai tiré la citation il y a un instant, eh bien chez Carl Schmitt, l'ennemi n'est jamais seulement défini par des actes d'hostilité pour lesquels on pourrait se défendre ponctuellement. L'ennemi, c'est le degré extrême, dit-il, de l'union ou de la désunion, et l'ennemi n'est jamais seulement mauvais, dit-il, par des actes, mais il est essentiellement l'autre, l'étranger, je cite, et il suffit pour définir sa nature qu'il soit dans son existence même, cet être autre et étranger qui nous menace. Ainsi, le risque n'est pas tant de définir la politique par l'inimitié, mais de définir l'ennemi par une essence et non pas par des actes. Alors il n'y a plus d'autre choix, c'est lui ou moi, c'est eux ou nous. La guerre n'est pas seulement défensive contre des actes, mais doit éliminer l'existence même de l'autre. Il faut dépasser cette notion essentialiste de l'inimitié et revenir à la fondation des relations humaines sur des actes et des personnes.